sur une musique un peu trop folle. J'ai commencé à un peu trop danser. Il faisait, c'est vrai, aussi un peu chaud. Les gens semblaient heureux, pourtant pour autant danser. Tu sais, je n'ai pas assez réfléchi. Je me suis jeté dans la danse et j'ai dansé toute la nuit. La nuit durait, moi je dansais comme jamais vraiment. Sinon seul, c'est vrai, j'ai dansé sur cette musique folle. J'ai commencé moi aussi à trop le regarder. Mais il était, c'est vrai, tellement grand et beau aussi. Et puis les gens assis ou pas le regardaient vraiment aussi. Oui, je n'ai pas assez réfléchi. Je me suis jeté dans ses bras et j'ai dansé toute la nuit. Ses bras comme ça à me serrer comme jamais avant. Non, vraiment comme jamais avant. Sur une musique toujours aussi folle, je suis pourtant partie car de danser me manquait trop. Il faisait toujours un peu chaud, les gens buvaient, c'était l'été. Et j'ai souri aux inconnus plutôt que de me coucher tôt. Tu sais, je n'ai pas assez réfléchi. Je me suis jetée dans la danse et j'ai dansé toute la nuit. La nuit durait, moi je dansais comme jamais vraiment. Sinon seul, c'est vrai, j'ai dansé sur une musique folle. J'ai commencé à trop danser. Il faisait, c'est vrai, un peu chaud. Les gens semblaient heureux, pourtant pour autant danser. Tu sais, je n'ai pas assez réfléchi. Je me suis jeté dans la danse et j'ai dansé toute la nuit. La nuit durait, moi je dansais comme jamais vraiment. Sinon seul, c'est vrai, j'ai dansé. C'est vrai. C'est vrai.